بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ المسلسل. المسلسل ما معنى المسلسل؟ هو يعني اتباع الرجال للإسناد على وصف واحد في القول أو الفعل. نعم أو الحال. نعم أي التتبع من رجال الإسناد في حالة معينة سواء قول أو فعل مثل ماذا؟ مثلا كل راوين يأتون من بلد واحد. نعم نعم مسلسل ب مثلا النسبة أو نفس البلد مثلا sont tous de بصرا. نعم أو بصيغة الأداء صلى الله عليه وسلم مسلسل بنفس الصيغة عن أنا مثلا. نعم عن فلان عن فلان يدستوس عن هذا المسلسل يونا بيبي أنا سمجرد فائدة أما تستفد من حيث الحكم أسكيد صحيح أو حسن الصحة والحزن سعبين شروط كنا بدوني. واليوم نأخذ قسما جديدا أو قسمين. قال الإمام البيقوني رحمة الله عليه عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة العزيز والمشهور إساء ومبواخك صبيت متعلق بالإسناد. قال رحمة الله عليه الشارح عرف الناظم في هذا البيت العزيز والمشهور من الحديث دونك إبا إكسبليكي لي دو. قال والعزيز لغة من عز أي quelque chose de rare أي بمجيئه من طريق أخرى quelque chose de عزيز c'est quelque chose de c'est pas répandu. وهنا قال من عز أي بمجيئه من طريق أخرى. نعم أي هذا الإسناد أو هذا الراوي تتخبرها نوتر راوي كي رابورتي سو حديث. Vous allez voir que مسألة العزيز والمشهور c'est une histoire de nombre. قال أما تعريفه في الاصطلاح سيسكي نوز انتغس كذلك تجي فلان عزيز علي أي تشيء ألوي. قال أما تعريفه في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بتعريف جماعة من المحدثين كابن الصلاح صاحب المقدمة والعراقي العراقي un des grands élèves de الحافظ ابن حجر استفاد منه c'est un grand محدث il a des كتب طيبة في المصطلح العراقي رحمة الله عليه. قال والنووي معروف صنع لفغة التدريب إلى لفغة التدريب في المصطلح. قال أنه ما رواه اثنان أو ثلاثة وتفردوا به عن كل أحد سيسا العزيز على قول العزيز. vous allez voir que الإسناد dans une des طبقات ils sont deux ou trois, il y a un khilaf. Deux, ça va donner hakada. Foulan et foulan. Il rapporte un foulan. Hada. Hada, il l'appelle l'aziz. Trois, il y a un khilaf. Et on va voir que le sahih, c'est deux. Le trois, c'est al-mashhour. Hada, c'est l'aziz. Et les trois en plus, c'est al-mashhour. Bon, une des tabaka du isnat, Rubama Huna, ils sont... هنا ربما يسون 30 سهل ربما هنا هناك 1 لكن une des tabaqa ils sont deux. On va voir l'exemple. بعضهم يديس 3 العزيز بعضهم يديس لا الصحيح كما بالغ الان ان العزيز c'est 2 العزيز c'est 2 3 et plus c'est le mashhour. Le mashhour il va jusqu'au ce qu'on appelle le mutawatir. Alors tu as 3 choses. العزيز c'est deux rapporteurs dans tabaqa min tabaqat al-isnad. À partir de 3, c'est le mashhour. Jusqu'au mutawatir. Le problème qu'il y a, un, le mutawatir, c'est à partir de combien? C'est ça qu'on verra. Faqat. Amma, le nombre, 1, 2, c'est l'aziz. On va donner un exemple. À partir de 3, c'est le mashhour. Hadith mashhour. Bien sûr, le mashhour, inda al-muhaddithin. Amma, le mashhour, on va voir que le mashhour, inda al-fuqaha, c'est un hadith qui est connu. إنما الأعمال بالنيات عندهم إلى مشهور. لماذا؟ لأن الشهرة، ça dépend le mot, ça dépend de celui qui parle pour avoir le sens, et ça dépend de la matière. معروف هذا. Et on verra cette mesela. أهم شيء الآن، vous comprenez ce schéma pour vous distinguer les trois. لأن les trois c'est une histoire de nombres. العزيز 2. Retenez les chiffres pour l'instant. المشهور à partir de 3. Al-Mutawatir, à partir d'un certain nombre. On verra à quoi l'Ahl al-Ilm fait hada, si dans la cité. Al-An, on revient au kitab. On revient au Aziz. Qala wa s-sahih fi ta'rifihi ma arrafahu bihi l-hafidh fi l-nuzha. Bien khilaf. On a dit, par l'ulama, qu'al-imam al-Bayquni, il te dit 2 ou 3. C'est l'Aziz. Kadalik, il a cité des autres. Man, il a dit ibn al-Salah, wa l'Iraqi, wa l-Nawawi. Al-Hafidh ibn Hajar, il les a khalif. Et son qawl, c'est le qawl sahih. Al-Hafidh ibn Hajar, il te montre qu'anna Al-Aziz, c'est 2. Quand t'arrives à 3, c'est le mashhour. Amma indahum, là. Indahum, le mashhour et l'Aziz, c'est le même sens pour le 3. Le 3, c'est Aziz, mashhour. Après, au-dessus de 3, c'est faqat mashhour. Haqiqa, tu vois que ça ne fait pas le khilaf, il est sahle. Que tu l'appelles Aziz ou Mashhour, ça, les anciens, tu comprends, faqat. Lakin al-qawl al-sahih. Et fil haqiqa, c'est as-sahl pour différencier. Al-Aziz, c'est 2. À partir de 3 et au-dessus, c'est le Mashhour. Arrivé à un certain nombre, tu bascules dans al-mutawatir. Hala. Qal wa al-sahih fi ta'rifihi ma arrafahu bihi al-hafidh bin nujha. Annahu ma tafarrada bi riwayatihi tnan faqat. Tafarrada bi riwayatihi tnan. T'es pas en dessous de 2 et t'es pas au-dessus de 2. L'Aziz, c'est 2. Et le haqiqa, ce hadith, il est pas, tu le trouves pas partout. Il y a 2 dans une tabaqa. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Aziz. Qala walaw fi tabaqatin min tabaqat as-sanad. Walaw si c'est une tabaqa. Si c'est 2, min bab awla ya Aziz. Lakin minimum, une tabaqa. Tabaqa, c'est le. Tabaqa, c'est la génération, tu peux traduire. مثلاً طبقة هنا طبقة الصحابة طبقة التابعين طبقة أتباع التابعين c'est ça الطبقة. Tu peux catégoriser ou séparer les générations par rapport à l'époque معروف ou pour t'expliquer mieux مثلاً طبقة الصحابة ثم طبقة leurs enfants ثم leurs petits enfants وهكذا par génération. فعلى كل حال une طبقة au minimum il n'y en a que 2. Il y a 2 rapporteurs. S'il y a plus, c'est pas bab aoula. Lakin, al-hukm il est alal aqal, comme on avait déjà expliqué. La'ala, il va citer hada. Qala ma tafarrada bi riwayatihi tnan faqat, walaw fi tabaqatin min tabaqat al-isnan, walaw zada al-adad fi baqiyat al-tabaqat. Na'am. Si on a 2 dans une tabaqa, thumma celle d'après ou celle d'avant, ils sont 4, 5, 6, 9. Jama'a. Ça change rien. Le hadith, il est aziz. L'al-hukm, l'essentiel, dans une des tabaqat, on a 2. Faqat. Hada, ils l'appelleront l'ulama al-aziz. Qal, walaw zad al-adad fi baqiyat al-tabaqat, ala al-wahid, fala yadhur fi tasmiyatihi azizan. Idha al-hukm, ka'anahu idh. Idhi al-hukm, ka'anahu idh. Idhi al-hukm, lil-aqal. والأقل يقضي على الأكثر. Beaucoup on avait expliqué في مصطلح الحديث dans ce علم الحكم على الأقل. T'as un isnad, y'a que des ثقات et t'as un ضعيف. Est-ce que tu vas citer ton حكم par rapport aux ثقات ou aux ضعيف? Aux ضعيف. ولو il est qu'un et ils sont 10 à être des ثقات, le hadith il est ضعيف. نفس الشيء هنا. طبقات ils sont 5, 6, 10. Dans une tabaqa ils sont que 2. Le hadith il est aziz. La même chose pour le mashhour. Fahada al-hadith al-aziz. On cite un exemple avec des noms, inshallah, comme ça c'est awdah. Qala mithal al-hadith al-aziz. ما رواه البخاري ومسلم عن أنس وانفرد به البخاري عن أبي هريرة إلى متفق عليه عن أنس يعني نطق رواية أبو هريرة سليمان البخاري كلا رابورتي الإمام مسلم لا رابورتي حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Le hadith, il est ma'ruf. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant lui, Anas. An Anas, tu trouves deux. Qatada et Abdelaziz. Abdelaziz ibn Suhaib. An Qatada, encore deux. Shu'ba et Saïd. Kadalik huna, Abdelaziz ibn Suhaib, deux. Ismaïl Ibn Ulayya et Abd al-Warith. Le isnad, il va comme ça. Tumahuna jama'a. L'imam Bukhari, il y en a plein qui l'ont rapporté. Lakin arrivé, l'imam Bukhari, il est huna. Ou l'imam Muslim. L'anas al-hadith Anas, on a dit, il est muttafaq alayh. Donc l'imam Bukhari rapporte le hadith. Arrivé ici, cette tabaka, le isnad huna, Anas, avant Anas, ils sont deux. Al-hadith, il est aziz. Anas, il y en a deux qui l'ont rapporté à Anas. Pas plus. Faqat ces deux. Pas moins. Anas, Qatada, il rapporte à Anas. Et Abdelaziz ibn Suhaib, il rapporte à Anas. Thumma, ceux qui ont rapporté de Qatada, deux, kadalik. Shu'ba et Saïd, ils rapportent à Qatada. Deux qui rapportent à Abdelaziz. Al-Hadith, il est Aziz. Mafhoum. Est-ce que ça va jouer dans Sihat al-Hadith? Ça dépend des shurut. Qatada, c'est un imam. Abdelaziz ibn Suhaib, kadalik, c'est un imam. Hadith, il est sahihi. Ça dépendra des rois, des shurut qu'on a vu. Lakin al-an al-aziz, awalan, tu ne le trouveras pas partout. Et faqat, c'est une faïda dans le nombre. Hada. Al-mashhur, ça sera la même chose, sauf qu'ils seront plusieurs, comme on va voir. Tfaddal. Est-ce que c'est ça qu'on appelle dans les choses le ha? La. Ha, c'est tahwil al-sanad. Et c'est muhim, là, ça revient souvent. Il l'explique dans les livres de Mustalah Hadith, lakin dans les livres ben qu'on y a, il l'explique pas en général. C'est une faïda faqat. Ha, ta'a isnad, celui qui l'emploie beaucoup, c'est l'imam Muslim. Plus que le Bukhari. On va mettre Muslim. Un isnad. Tamam. L'imam Muslim, il dit haddathana fulan. Maintenant, Abu Bakr ibn Abi Shayba. Abu Bakr ibn Abi Shayba, il dit haddathana fulan. Ici, une des explications, c'est tahwil. Tahwil mada, tahwil al-sanad. Al-an, muslim, il dit haddathana fulan. Fulan, il dit akhbarana fulan. Ha, ça veut dire quoi ha? Ça veut dire que le hadith, il revient à l'imam muslim. Tu reviens là. Ici, c'est une autre tariq. Thumma, il continue. Il a entendu ce hadith de Abu Bakr ibn Abi Shayba. Thumma fulan. Ha, il l'a entendu kadalik. An fulan. En haqiqa, ici, ces deux-là et ces deux-là, ils ont tous entendu de lui. Al-Haqiqa, ça fait comme ça. C'est ça, tahwil al-sanad. En fait, huna, il arrive l'imam muslim, huna, ha. Il revient, l'imam muslim, il a entendu de combien l'an? De deux. Il te cite le premier sanad, Thumma huna, il revient. Deuxième sanad. Imma, il y a quelque chose, imma, il n'y a rien. Faqat, il a entendu le hadith de plusieurs mashayikh, il les cite. Quand le shir, quand il lit le hadith, il dit qal haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba. Il continue ha. Ici, ça sera obligatoirement la tabaka de les mashayikh de l'imam muslim. Matalan Zuhayr ibn Harb, il te dira jamais ici. Là, il y en a, il revient au début. Ça, les ulama, ils ont plus hada. Khasatan l'imam muslim. Et ça viendra avec vous, inshallah, dans certains livres. Al-Muhim, tu reviens au départ. Donc, khulasat al-sahih, ou l'aziz, ahsant. Le ta'rif de l'hafid, ma tafarrada bi riwayatihi tnan. Faqat. Le mot faqat, il est important. Ni moins ni plus. La bout tnan. Qal walaw fi tabaqatin min tabaqatis sanad. ولو dans une tabaqa. Si on a plusieurs, tamam. Naam. Amma si c'est dans une, yakfi. Ça c'est Al-Aziz. Ma tafarrada bi riwayatihi ithnan faqat ولو في طبقه من طبقات الاسناء السند قال واما المشهور فسمي بذلك لوضوحه نعم et c'est ça le ta'rif de al-mashhur al-shuhra fi al-lugha c'est ça quelque chose de répandu de connu مثلا on te parle d'un livre tu dis نعم الصبغ اللي مشهور عند طلبه العلم il est مشهور il est connu il est répandu et الان tu sais pourquoi ils l'ont appelé al-mashhur لان al-mashhur tu vas trouver beaucoup plus d'exemples que al-aziz L'Aziz, tu ne trouveras pas partout. Dans une tabaka, ils sont deux. Ou plusieurs tabakas, deux. Tu ne trouveras pas partout. Lakin, al-mashhur, là, beaucoup des hadiths, ils sont mashhur. Fil Bukhari, fil Muslim, ils sont 4, 5, 6. Hada, katir. Qala, wa amma al-mashhur, fa sumia bi dhalik li wuduhi. Wa qad arrafahu al-nazim bima rawah akthar min thalath bina'an ala ta'rifihi lil-Aziz. Est-ce que c'est sahih? عرفه الناظم بما رواه أكثر من ثلاث بناء على تعريفه العزيز on revient au خلاف qui c'est qui explique هذا c'est quoi الصواب الآن المشهور هو من ثلاثة إلى حتى إلى توتر نعم أكثر من اثنين نعم لأن من ثلاث كأنه il fait rentrer العزيز هو il fait rentrer العزيز لأن pour lui العزيز c'est 2 et 3 أما نحن والمشهور Au-dessus de deux, c'est le mashour. Talat et autres. Qal wa sahih fi ta'rifihi ma rawah thalatha fa ma fawq. Naam. Ma lam yajma' shurut at-tawatur. Bina'an ala ta'rif al-sahih fi ta'rif al-aziz. Donc, il y a un khilaf. Ba'd al-ulama, kalima m'nawwi al-iraqi, ibn al-salah, ils disent que c'est à partir de trois, ou au-dessus de trois. لقد عرفه الناظم بما رواه أكثر من ثلاث نعم au-dessus de trois pour eux لأن le 2 et le 3 c'est l'Aziz enfin pour eux c'est à partir de 4 هذا قول الإمام النووي والعراقي وابن الصلاح أما نحن لا نحن c'est ما رواه ثلاث أي au-dessus de 2 3 c'est ça le مشهور la, donc la fourchette du مشهور c'est de 3 jusqu'à Jusqu'au tawatur. Al-Aziz, deux faqat Aziz. Tu bascules à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au tawatur. Le tawatur, il ne va pas détailler. Les ulama ختلفوا. En fait, il n'y a pas un chiffre معين. Le hadith al-mutawatir, il est معروف عند les ulama. Hatta ils les ont rassemblés à partir d'un certain nombre. Là, à chaque, c'est au-dessus de 10. C'est au-dessus de 10. Lakin, combien est-ce que c'est 15, 20, 30 Hadaf al-Haqiqa, il n'y a pas un chiffre précis. Lakin al-Ulama, quand il y a beaucoup de rawi, il atteint le niveau de tawatur, c'est ma'rouf indahum. Et vous verrez Hada dans les prochains livres. قال والصحيح في تعريفه أنه ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يجمع شروط التواتر. Et ces شروط, vous les verrez plus tard. Aham Shayl, tu connais, anta, la catégorie, ou le nombre. Ça commence 3 jusqu'à le tawatur. قال راجع النزهة والتدريب والشرح التبصير. نعم. Un مثال. أولا هنا il a fait une précision Cheikh Hussein حفظه الله أن المشهور ce qu'on vient d'expliquer نحن c'est le مشهور في اصطلاح المحدثين أي dans علم المصطلح ما رواه ثلاث فما فوق tant que tu n'atteins pas le niveau du tawatur. C'est ça le mashhour. Lakin ya al-mashhour عند al-fuqaha. Ka hadith, il est mashhour عند al-fuqaha, lakin il est da'if. Il est connu عند al-fuqaha, مثلاً, abghadu al-halal ila Allah al-talaq. C'est mashhour عند al-fuqaha, ce hadith. Il est da'if. Mashhour عند al-usuliyin. Ka hadith, rafa'a an ummati al-khata wa al-nisyan. وما استكره عليه فهذا مشهور عند الأصوليين هذا اللفظ بما تذكر يعني ضعف لكن حديث إلى ثابت على كان لفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه مشهور عند النحاة أي عند أهل النحو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه لو لم يخف الله لم يعصه. Il cite ce mithal, ce hadith An-Nuha. مشهور عند العوام. Hadith حب الوطن من الإيمان. C'est un hadith ضعيف. Il est مشهور عند العوام. حب الوطن من الإيمان. Donc, le mot مشهور, ça dépend de la matière. Si t'entends, maintenant, واحد dit ce hadith, il est مشهور. مشهور عند العوام. Ne comprends pas le مشهور que tu as compris l'âme. أنه dans une tabaka, ils sont trois. Ou 4 ou 5. Là, l'awam, ma ya'rifun hala. Il est مشهور, il est connu عندهم. قال الحافظ العلائي رحمه الله. Il cite un exemple. قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال الحديث عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة. Ça c'est un exemple tamam, لأنه rassemble les deux. هذا الحديث il est عزيز لماذا؟ Combien de sahabis ils l'ont rapporté? Al-Aziz, deux. Dès que tu entends Aziz, c'est deux. Donc, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, deux. Hudhaifa et Abu Huraira. Donc, هذا, il est Aziz. Fil-Hakika, si on vient faire le hukm sur le hadith, c'est sur l'aqal, on dira Aziz. Lakin, faqat pour te montrer le nombre. Qal wa huwa mashhur an Abi Huraira. Donc, ta Hudhaifa et ta Abu Huraira. Les deux, c'est l'Aziz. An Abi Huraira, il est mashhour. Combien ils vont le rapporter? Minimum? Talat. Maximum? Jusqu'au Tawadur. Là, à chaque, ça va être une dizaine. Qala, l'essentiel, plus de trois. Si t'as trois, c'est bon, t'es dans le mashhour. T'as quatre, t'es dans le mashhour. T'as cinq, t'es dans le mashhour. Qala, wa an Abi Huraira, sab'a. Donc, on en a sept. Al-An, si on note les sept, Abu Salama, le fils de Abdurrahman ibn Auf. Abu Hazim, il est ma'rouf, fi le Bukhari ou Muslim. Taous, min a'immat al-Sun, Taous ibn Kaysan. Al-A'raj, ma'rouf, il rapporte beaucoup à Abi Huraira. Al-A'raj à Abi Huraira, souvent, fi sahih Bukhari ou Muslim. Hammam, min a'immat al-Sun. Abu Salih, كذلك. Tous ceux-là sont fait le Bukhari ou le Muslim. Ou Abdurrahman, Mawla, Berthin. Al-An, tous ceux-là, An Abi Huraira. Tous ceux-là, An Abi Huraira. Huna, c'est Meshour. Il y en a, t'es au-dessus de trois. Huna, c'est Aziz, t'as que deux. Mafhoum, cet exemple est Tayyib, pour vous comprenez, ça c'est une tabaka. Ça c'est une tabaka. L'essentiel dans une des tabaqas de l'Isnad, Al-Aziz 2. Tu l'as ici, tu diras le hadith Aziz. Dans une tabaqa, s'ils sont 3, 4, 5, 6, c'est pas au niveau du tawatur, tu diras Huna Mashhur. Al-Fa'ida de connaître tous ces rawi, c'est que si un daif, maintenant tu dis Hada il est daif, est-ce que ça fait du mal au Isnad? Limada? Non, il reste Fulam. S'il est daif, Abu Salama c'est un imam. خلاص, cette tariqa elle te suivit. T'as une deuxième tariqa. Abu Salama, après il y a un groupe qui a pris anhu, tous ses élèves. Abu Hazim, il y a un groupe. Taous, il y a un groupe. خلاص, le hadith il est sahih. Je suis la tariqa hakada. Inch'Allah il est sahih. Amma huna, sahaba, kulluhum udul. Ils sont deux, ou un, ou trois. Le hadith il est wadih. Inch'Allah le prochain qism, al-an'ana. Mu'an'an. Et celui-là, كذلك, il est muhim. Il y en a avec Masala Tadlis. Ça va jouer sur le hukm. Et ça, on verra plus tard. Est-ce qu'il a cité des fawa'id Al-Akhturki. Qal tanbih muhim. Tout à la fin. Après l'exemple qu'on vient de lire. Qal al-itlaq. Al-akthar. Les kalimat aziz. Tutlaq ala ma'na akhar. Quand les ulama disent le hadith il est aziz. Al-haqiqa. Ils veulent autre chose que ce qu'on vient de citer. Aïe 2. Qala huwa ashhar fi kutub al-a'imma ka qawlihim fulan aziz al-hadith aw hadha hadith aziz wa yurad bihi an-nudra wa al-qilla. Naam, c'est pour ça qu'au début quand on avait expliqué al-aziz lughatan on avait cité كذلك quelque chose de rare. Hadha. Fa quand l'imam Ahmed rahmatullah alayhi ou al-Bukhari ou autres souvent ils disent aziz, la haqiqa c'est un hadith qui n'est pas propagé. ils regarderont pas est-ce que ce 2 3 là al hadith il est aziz, il est pas propagé كثيرا. Et tout ça c'est des istilahat. L'essentiel est que tu comprends l'istilah qu'on t'a expliqué par rapport au mustalah, et ça viendra avec le temps. قال وقد وجدت هذه العبارة ونحوها في كلام كثير من الأئمة كأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني وابن عدي والخليلي والنسائي والطبراني والحاكم وابن حبان وغيرهم. نعم. Et eux, Al-Aziz qu'ils ont voulu هنا, c'est pas Al-Aziz qu'on a expliqué نحن. لا. Al-Aziz هنا c'est quelque chose de nadir. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.